cachés. C'est cruel la façon qu'on se calibre. De nos ruelles, c'est l'hécatombe en chute libre, un méga tombe. Bourchif vive, ornure dans l'amertume. Je vais pas dire que nos mères tirent, où on vit dans le martyr. Mais nos nerfs stu, cause heure sub dans le bitume, vent stu, prègne. Manotule suprême, façon Big Bun. Les Nautilus prennent pour des rusés. Rêve d'Elysée, obtiennent freine, culbuté par le système. Insensé, l'homme cherchant qui butait à ta captivité. Sur ta tombe, colle ton exclusivité. La révolte continue jusqu'à la tombe. Mais à la cave, pont bloc pour la poucave, un long marathon. Au rare son, ces remords d'alarme sont. Nos âmes sont prolifiques, esprit, machination. Machination. Nos vies machiavéliques façon. Façon. Strangulation. Strangulation. Cliché, 9-2 pour plaque tournant. Trop de conflits avec ces conflits. Pour un gramme crime, la dalle dans ce bitume, le drame pour coutume. Crime sans gants, l'amertume. Crime sans faire semblant, c'est amertume sans sanglant. Trop de conflits avec ces conflits. Pour un gramme crime, la dalle dans ce bitume, le drame pour coutume. Crime sans gants, l'amertume. Crime sans faire semblant, c'est amertume sans sanglant. Entre l'enclume et le béton, l'amertume, l'amorosité, c'est amertume sans, comme une mort dans une cité. Nos journées, des journées fastes, le bise morné, vaste population de bornés, vulgaire. Des bons, j'en ai vu guère ou très peu. Les émeutes pleuvent à la vitesse des haineux. Cette vitesse vénéneuse, beaucoup de doléances, décrouées, des souhaits troués, des condoléances, on est bafoué. Dans la campe, notre souhait, le buzz du haut de gamme, 9-2, convoitise les drames, peu. Bonheur dans les flammes, l'horreur se trame, comme le crime est infâme, notre rime morbide, la déprime infâme dans l'insalubre. Un sombre odeur funèbre, lugubre, nos vies moroses, meurtries. Cette prose de vie, mélancolie, nos mères crient de peur. Car sur un colis, la mort nous délivrait. Nous délivrait, 9-2, fétasse, cliché. Trop de conflits avec ces conflits. Pour un gramme crime, la dalle dans ce bitume, le drame pour coutume. Crime sans gants, l'amertume, crime sans faire semblant, c'est amertume sans sanglant. Trop de conflits avec ces conflits. Pour un gramme crime, la dalle dans ce bitume, le drame pour coutume. Crime sans gants, l'amertume, crime sans faire semblant, c'est amertume sans sanglant. Trop de conflits avec ces conflits. Pour un gramme crime, la dalle dans ce bitume, le drame pour coutume. Crime sans gants, l'amertume, crime sans faire semblant, c'est amertume sans sanglant. Trop de conflits avec ces conflits. Pour un gramme crime, la dalle dans ce bitume, le drame pour coutume. Crime sans gants, l'amertume, crime sans faire semblant, c'est amertume sans sanglant.